Chapitre 29. Prise. Marguerite ne sut pas durant combien de minutes on l'emporta ainsi. Elle avait perdu toute notion de temps et de lieu, et pendant quelques secondes, tant elle était exténuée, elle cessa de souffrir et perdit connaissance. Quand elle se rendit compte à nouveau de son état, elle sentit qu'elle avait été presque confortablement posée sur un manteau d'homme, le dos appuyé contre un quartier de roche. La lune s'était cachée à nouveau derrière les nuages, et par comparaison, l'obscurité semblait plus intense. À quelque 200 pieds en dessous de cet endroit, la mer mugissait, et en regardant autour d'elle, Marguerite n'aperçut plus trace de la petite lueur rouge. Elle comprit que l'on était arrivé au but du voyage par quelques paroles rapides dites à voix basse tout près d'elle. « Il y a 4 hommes à l'intérieur, citoyens. Ils sont assis contre le feu et paraissent attendre tranquillement. »« Quelle heure ?»« Près de 2 heures. »« La marée ?»« Monte rapidement. » »« Le schooner ?»« Évidemment anglais, à l'ancre à environ 2 milles au large, mais nous ne pouvons pas voir son canot. » « Les hommes sont dissimulés ?»« Oui, citoyen. » »« Ils ne feront pas de balourdise ?»« Ils ne bougeront pas avant que le grand anglais n'arrive, alors ils l'entoureront et se rendront maîtres des 5 hommes. »« Bien, et la dame ?»« Toujours évanouie, je suppose. Elle est à côté de toi, citoyen. » »« Et le juif ?»« Bâillonné, les jambes liées. Il ne peut ni crier ni bouger. » »« Parfait. » Préparez vos fusils dans le cas où vous en auriez besoin. Approchez-vous de la hutte et laissez-moi veiller sur la femme. » Dégât obéit, car Marguerite l'entendit partir doucement le long de la falaise, puis elle sentit une paire de mains chaudes, maigres, semblables à des serres d'oiseaux de proie, lui saisir les siennes et les tenir dans une étreinte d'acier. « Avant d'enlever ce mouchoir de votre jolie bouche, belle dame, » dit Chauvelin tout bas à l'oreille de la jeune femme, « je crois qu'il serait bon que je vous donne quelques mots d'avertissement. Je ne puis naturellement imaginer ce qui m'a procuré l'honneur d'être suivi à travers le détroit par une compagne aussi charmante, mais si je ne me trompe, la raison de cette flatteuse attention n'est pas de celle qui se recommande à ma vanité, et je crois, de plus, être dans le vrai, en supposant que le premier cri que pousseraient vos jolies lèvres, aussitôt que ce bâillon cruel en serait ôté, serait peut-être un avertissement pour le renard rusé que j'ai eu tant de peine à suivre au gîte. » Il s'arrêta un instant, tandis que sa serre d'acier semblait se refermer plus fort sur le poignet de Marguerite. Puis, reprenant à voix basse, de la même façon précipitée, « Dans l'intérieur de cette hutte, si à nouveau je ne me trompe point, votre frère Armand Saint-Just, en compagnie de ce traître de Tournay et de 2 autres hommes qui vous sont inconnus, attendent l'arrivée de leur mystérieux sauveur, dont l'identité a été pendant si longtemps un casse-tête pour notre tribunal révolutionnaire, l'audacieux Mouron Rouge. Sans aucun doute, si vous criez, s'il y a ici une mêlée, si l'on tire des coups de feu, les longues jambes qui ont amené ici cette énigme rouge l'emporteront avec la même rapidité en quelques lieux sûrs. Alors le but pour lequel j'ai parcouru toute cette distance ne sera point rempli. De notre côté, il dépend seulement de vous que votre frère Armand soit libre de partir avec vous cette nuit pour l'Angleterre ou pour quelque autre endroit où il ne courra plus de danger. » Marguerite ne pouvait émettre aucun son, car le mouchoir était très serré sur sa bouche, mais à travers l'obscurité, Chauvelin la regardait de très près dans les yeux. La main de la jeune femme fit un geste de prière en réponse à cette dernière suggestion et il continua: « Ce que je désire que vous fassiez pour assurer la sécurité d'Armand est une chose très simple, chère madame. » « Qu'est-ce ? » sembla répondre la main de Marguerite en serrant la sienne. « Restez à cet endroit sans émettre un son jusqu'à ce que je vous donne la permission de parler. »« Ah, mais je crois que vous obéirez !» ajouta-t-il avec l'étrange ricanement sec qui lui était propre, tandis que la silhouette de Marguerite se raidissait dans l'appréhension de ce qui allait venir. « Car laissez-moi vous prévenir que si vous poussez un cri, si vous émettez un seul son, ou si vous essayez de bouger d'ici, mes hommes, ils sont 30 aux alentours de cet endroit, se saisiront de Saint-Just, de Tournay et de leurs 2 amis, et les fusilleront sous vos yeux par mon ordre. » Marguerite avait écouté le discours de son implacable ennemi avec une terreur grandissante. Engourdie par les douleurs physiques qu'elle éprouvait, elle avait cependant encore assez d'énergie pour saisir toute l'horreur du terrible dilemme qu'à nouveau le diplomate posait devant elle, un dilemme mille fois plus horrible et plus effrayant que celui qu'il lui avait offert pendant la nuit fatale du bal. Cette fois, elle se trouvait dans l'alternative atroce de rester sans agir et de laisser le mari qu'elle adorait marcher à une mort imprévue, ou bien, en cherchant à éveiller son attention, peut-être vainement, de donner le signal de la mort de son propre frère et des trois autres hommes sans défense. Elle ne pouvait pas voir Chauvelin, mais elle sentait les yeux pâles et perçants du Français fixés sur elle, avec une ironie cruelle, et les paroles rapides qu'il murmurait sonnaient à son oreille, comme le glas funèbre du dernier espoir qui lui resta. « Non, belle dame, ajouta-t-il plein de prévenance, vous ne pouvez vous intéresser à nul autre qu'à Saint-Just, et la seule chose utile que vous puissiez faire pour le sauver est de rester où vous êtes et de garder le silence. Mes ordres ont des ordres précis pour l'épargner de toute façon. Quant à l'énigmatique Mouron Rouge, qu'est-il pour vous ? Croyez-moi, il n'y a pas d'avertissement de votre part qui ait aucune chance de le sauver. Et maintenant, chère madame, laissez-moi vous enlever la désagréable contrainte que l'on a placée sur vos jolies lèvres. Vous voyez, je désire vous laisser une liberté complète dans le choix que vous allez faire. » Les pensées emportées dans un tourbillon, les tempes brûlantes, les nerfs paralysés, l'être tout entier engourdi de douleur, Marguerite était assise là, dans l'obscurité qui l'entourait comme un linceul. De l'endroit où elle était, sans apercevoir la mer, elle entendait la marée monter avec un murmure incessant et lugubre qui lui parlait de ses espérances mortes, de son amour perdu, de son mari que, de ses propres lèvres, elle avait trahi. Chauvelin retira le bandeau de la bouche de la jeune femme. Elle ne cria pas. Sur le moment, elle n'avait pas la force de rien faire. À peine pouvait-elle se tenir droite et réunir les pensées qui lui échappaient. Oh, pensée, décider ce qu'elle allait faire. Les minutes s'envolaient. Dans ce calme horrible, elle ne pouvait pas dire avec quelle rapidité. Elle n'entendait rien, elle ne voyait rien, elle ne sentait plus l'odeur exquise de l'air d'automne parfumé de senteurs marines, elle n'entendait plus le murmure des vagues ou le bruit des cailloux, qui, de temps à autre, dévalait sur les pentes abruptes. La situation dans laquelle elle était lui semblait de plus en plus irréelle. Il était impossible que Marguerite Blakeney, la reine de la Société de Londres, se trouvât là, assise côte à côte avec son mortel ennemi, au milieu de la nuit, sur cette falaise déserte, et... Oh, il n'était pas non plus possible que quelque part, à quelques centaines de pieds peut-être, de l'endroit où elle se trouvait, l'être qu'elle avait méprisé autrefois, mais qui maintenant, à chaque minute de cette nuit sinistre, lui devenait de plus en plus cher, inconsciemment, allât à la mort, tandis qu'elle-même ne faisait rien pour le sauver. Pourquoi, par des cris surhumains qui feraient écho d'un bout à l'autre de cette grève abandonnée, ne lui enverrait-elle pas l'avertissement de renoncer à son projet, de retourner sur ses pas ? Une ou deux fois, un cri lui monta à la gorge, comme par instinct. Alors, devant ses yeux, se dressait l'horrible vision. Son frère et les trois autres hommes fusillés devant elle, en fait, sur son ordre, elle, leur assassin. Oh, ce démon à figure d'homme connaissait bien la nature féminine. Il avait joué sur ses sentiments comme un musicien consommé fait vibrer les cordes d'un instrument. Il avait calculé à merveille quelles seraient ses résolutions. Elle était incapable de donner ce signal parce qu'elle était faible, parce qu'elle était femme. Comment pouvait-elle, de sa propre volonté, ordonner de fusiller Armand devant ses yeux, avoir ce sang chéri sur la conscience, voir mourir un frère qui la maudirait peut-être, voir périr le père de Suzanne aussi, lui, un vieillard, et les autres? Oh, c'était trop, trop horrible! Attendre, combien de temps? Les heures nocturnes s'écoulaient et cependant l'aube ne paraissait toujours pas. La mer continuait son incessant et lugubre murmure, la brise d'automne soupirait doucement dans la nuit. La côte déserte était silencieuse comme un tombeau. Tout à coup, à peu de distance, on entendit une voix forte et joyeuse chanter « God Save the King ».